Chapitre 4. L'éclosion. La blessure est profonde et la chute a rudoyé les os. Glava souffre, mais elle sait souffrir. Dans les mystères de l'instinct, elle sent que Helgvor est plus tendre qu'elle-même ne l'a jamais été. Son étonnement est sans borne de ce que cette douceur ne soit pas une faiblesse. N'a-t-il pas le courage des tigres, la ruse des loups, l'adresse des guerriers redoutables? Aucun autre homme ne lui ressemble. Il est seul, il semble venu d'une race inconnue. Avec les eaux du fleuve, le jour qui libère et la nuit qui engloutit, il occupe l'espace. Cette horreur des hommes qui brisent les dents des femmes, les jette brutalement contre le sol ou les immole aux vies cachées, ne s'attache pas à lui, et il devient secrètement celui dont elle accepterait ce qui lui semble hideux chez les autres. Tandis qu'il éclot en elle, Glava s'achève en lui. Elle est un matin perpétuel et toujours changeant. Elle se lève lorsqu'il ouvre les yeux, elle étincelle lorsqu'il disparaît dans le néant. Pour elle, il a percé de flèches les tsos dans leurs pirogues. Il les a anéantis dans l'enceinte de pieux. Il est allé les surprendre dans leur campement. Il tuera Aigoun. Révérée par Glava, sa force se confond en elle. Il exterminera toute créature qui la menace. Et mourant, il combattrait encore pour son visage clair et ses cheveux de lionne. Quand le feu du campement luit dans les solitudes, il tremble devant ses joues pâles où rôdent les reflets roses. Il tremble devant ses yeux pathétiques. La peur de la perdre est si violente qu'il sent geler son cœur. Alors la silhouette de Aigoun se dresse parmi les flammes. Helgvor croit violemment à sa propre victoire, mais dans une lueur livide, parfois, il se sent écrasé par la massue, éventré par la hache. Le cri qui meurt alors dans sa poitrine n'exprime pas la peur, ni la rage, mais la honte inépuisable de n'avoir pas su garder la fille des rocs. Tout cela passe en images. L'énergie des images est l'énergie supérieure, pareille au déchaînement des vertèbres. Il vivait dans la pirogue, légère et spacieuse, hors la nuit, ou lorsque le courant devenait trop dur pour la blesser. Au premier jour, Glava délirait quelquefois, puis la jeune sève chassa les fièvres. Alors les paroles s'avivant, chaque soir elle connut mieux la langue des hommes du fleuve. Elle voulut savoir leurs coutumes, car les coutumes sont des forces terribles, et il fut bon d'apprendre que les Ougmars ne brisaient pas les dents des femmes, qu'ils ne les frappaient pas sur le crâne au jour de l'union. Ils n'immolaient personne aux vies cachées. Pour obtenir les faveurs secrètes, on ne devait rien entreprendre sans tirer une ou plusieurs flèches vers le ciel. Il convenait de faire des dons à ceux qui savaient les choses des ancêtres. Glava apprit qu'un œuf de l'aigle géante flottait jadis sur le fleuve. Les temps passèrent, les bêtes des eaux grandirent, le fleuve fendit l'œuf, et l'ancêtre des Ougmars parut sur les eaux. Ainsi les Ougmars sont les enfants de l'aigle et du fleuve. Ils ne tuent pas l'aigle, ils lui laissent prendre sa part quand il s'abat sur leur proie. Elle comprit lentement, et par la répétition, corrigea ce qu'elle avait mal entendu, car sa curiosité était avide. En retour, elle lui raconta, il était moins habile qu'elle à questionner et à deviner, les supplices de la femme Tso avant son union avec l'homme, le sang des faibles répandu pour les vies cachées, et que ses ancêtres venaient du grand sanglier jailli du roc quand le feu avait rempli les torrents. La légende semblait toute naturelle à Helgvor, mais il concevait mal qu'on frappât les adolescentes par la massue ou par la pierre, ni qu'on leur rompît les dents. Sans le savoir, il trouvait les dents de Glava belles, et il avait un plaisir intime quand elles paraissaient, toutes brillantes, dans un sourire. Il y eut un soir. L'automne avait la tiédeur du printemps. Des trous étoilés perçaient les nuages. Les trois hommes avaient allumé le feu devant une caverne, d'où ils répandaient le mystère charmant de la clarté. Grâce aux arcs, aux sagets, aux haches, aux massues, et surtout grâce à la menace brûlante des flammes, aucune des bêtes qui rôdaient autour du fleuve n'était effrayante. Il y avait 12 jours que la lune avait recommencé ce cycle étrange où elle croît comme un animal, puis diminue, vieillit et finit par s'éteindre. Elle paraissait au sommet d'une colline, entre deux rives de vapeurs, et sa douceur mélancolique se doublait dans les eaux, caressait les herbes et s'immobilisait sur les roches accroupies comme des mammouths le long de la rive. Yuk et Akr, endormis, Helgvor se tenait auprès de Glava. Les grands yeux de la fille des rocs réfléchissaient les lueurs variables du feu et la clarté homogène de l'astre. Helgvor dit « Dans peu de jours, la pirogue abordera la presqu'île rouge. » Un frisson passa dans la chair de Glava, comme la brise dans les peupliers noirs. Le colosse aux épaules de taureau et ses yeux cruels parurent. Elle se souvint des marches sur la terre humide, des campements farouches. Haïgoun était toujours là. « Glava ne peut pas vivre dans la presqu'île rouge, » s'écria-t-elle. À sa voix, Acre tressaillit dans son sommeil, et le loup gronda sourdement. Une douleur aiguë trancha le cœur de Helgvor. Où Glava ira-t-elle? Les hommes du roc la tueraient, et des femmes ne peuvent pas vivre dans la steppe ou dans la forêt. Amao et Glava y ont vécu. Glava n'était-elle pas étendue sans force sur la terre? Les chacals même auraient pu la dévorer. Et sur le fleuve, la pirogue d'Amao et de Glava n'était-elle pas poursuivie par les pirogues d'Etso? L'affreuse solitude, les gois, la lune rouge, la lionne, elle était une bête fragile dans l'immensité, et celui-ci avait la force qui la délivra et qui brisa tout sur son passage. « Le chef me donnera au guerrier géant, » dit-elle avec tremblement, « que Glava aime mieux les dents du tigre. » Le nomade se dressa orgueilleusement. « Helgvor a abattu 20 fois plus d'ennemis que Haïgoun. Si Haïgoun veut Glava, Haïgoun périra. » Elle leva la tête dans un saisissement de foi et d'admiration. « Helgvor est plus courageux que les aigles des neiges. » « Helgvor ne laissera aucun homme toucher à Glava, » dit-il avec exaltation. Pour elle, il combattrait le chef des chefs et toute la tribu. Un grand attendrissement baigna les fibres de la jeune fille, et sentant qu'avec Helgvor elle ne serait pas esclave, une vie nouvelle monta dans les flammes rouges, jusqu'à la pirogue lumineuse qui sillait parmi les étoiles. Mais elle n'accepta pas encore le commandement obscur de l'instinct. La lune était ronde quand la pirogue approcha de la presqu'île rouge. C'est vers les 2/3 du jour qu'Akre, Yuk et Helgvor aperçurent ces arbres noirs et ces roseaux, flétris par l'automne. Depuis la veille, ils redoublaient de vigilance afin de dépister Haïgoun et ses hommes. Helgvor résolut de ne pas mener encore Glava dans la tribu, et choisissant un abri dans la brousse, il dit à Akre, plus subtil que Yuk, Akre ira voir si la femme Tso, sœur de Glava, est dans la presqu'île. Il verra aussi si Haïgoun n'est pas en chasse. Acre demeurera invisible. Acre partit, aussi léger que le chevreuil. Quand il revint, le soleil grandissait sur les sylves. Il dit « Acre a passé parmi les Ougmars sans être vu. La femme Tso est dans la presqu'île. Acre a-t-il vu Haïgoun? Haïgoun n'y est pas. » Helgvor écouta, tête basse, sa parole intérieure. Puis résolu. Helgvor ira vers le chef. Akr et Yuk veilleront-ils sur la fille des rocs? Ils veilleront, affirma Yuk. Glava écoutait pleine de crainte. Dès qu'elle ne verrait plus Helgvor, tout l'espace se dépeuplerait. Toutefois, devinant qu'il marchait vers le but, elle se tut. Que Glava ne craigne rien, reprit-il. Avant que le soleil atteigne les montagnes noires, Helgvor reviendra. Elle le regarda partir, glacé. Il s'effaçait peu à peu, comme une vapeur, suivie du loup et du chien. Et quand il disparut, le néant devint formidable. Helgvor arriva devant la presqu'île, où des guerriers, l'ayant aperçu, poussèrent de grands cris. D'autres guerriers et des femmes accoururent, puis Akrun aux yeux d'épervier. Le chef considérait Helgvor avec une joie inquiète. Helgvor est revenu? Où sont ses compagnons? Yuk et Akr l'attendent dans le désert. Pourquoi ne sont-ils pas avec Helgvor? Irrésistiblement, les guerriers acclamaient le fils de Shtra. « Eux aussi viendront, » répondit-il. « Et la fille étrangère ?» Le visage de Helgvor devint dur. « Helgvor a sauvé les femmes des rocs. » « Il a sauvé aussi nos femmes, » dit le chef avec douceur. « Les hommes du fleuve ne l'oublieront pas. » « Que veut Helgvor ?»« Que personne ne soit maître des étrangères sans son contentement. » « Il en sera ainsi, » promit gravement Akrun. « Et si Aigun ne veut pas ?» Les guerriers obéissent au chef des chefs. L'autorité d'Akrun s'était affermie. Aucun Nougmar n'osait plus blâmer sa conduite. Mais il redoutait les détours obscurs du hasard et il désirait voir Aigun disparaître. Helgvor a toujours aimé le commandement d'Akrun et il lui obéira toujours. Mais Aigun ne cédera pas. Il rôdera autour du chef. Il rôdera autour de la fille des rocs. Que le chef ordonne à Helgvor de combattre. Akrun se troubla. Si Helgvor était vaincu, les hommes trembleraient devant le vainqueur. « La tribu a besoin d'hommes forts, » dit-il enfin. « Si Aigun renonce à l'étrangère, Helgvor ne doit pas le combattre. »« Il ne renoncera pas. »« Alors, » dit le chef après un silence, « le combat sera inévitable. »« Il le sera toujours, » intervint Shtra. « Aigun attaquera Helgvor. » Les hommes se taisaient. Presque tous redoutaient la défaite du libérateur. Parce que Aigun était parti avec plusieurs guerriers, Akrun donna 10 hommes à Shtra pour éviter une surprise. Mais il dit « Les Ougmars ne doivent pas tomber sous les coups des Ougmars. Seuls Helgvor et Aigun combattront. » « Il en sera ainsi, » répondit Shtra. « Et si Helgvor est vainqueur, Shtra lui donnera Glava pour compagne. » « L'étrangère sera la femme de Helgvor. » Ensuite, Helgvor demanda à Mao et il y ajouta « Si Helgvor est vaincu, les étrangères ne seront pas captives. Elles fuiront librement. » Le chef et les guerriers y ayant consenti, Helgvor alla trouver Mao. Elle vivait sombrement, car aucune femme Ougmar ne recherchait sa présence. À la vue du jeune homme, un long tressaillement secoua ses membres. Elle se mit à pleurer. D'abord, une joie poignante domina son trouble. Puis elle redouta la mort de Glava et ses larmes devinrent douloureuses. « Glava est vivante, » dit-il. « Viens. » Elle comprit les gestes. Elle poussa un grand cri. Puis soumise, d'ailleurs pleine d'une tendresse inexprimable pour son sauveur, elle prit son enfant et suivit Helgvor. Glava épiait Yuk et Acre avec une sombre méfiance. En l'absence de Helgvor, ils n'étaient plus que des êtres incertains, d'une autre race, qui pouvait devenir redoutable. Le soleil venait de disparaître lorsque Acre reconnut une approche humaine. Le fils de Shtra revient, il n'est pas seul. Elle entendit le froissement léger des broussailles et tout à coup, apercevant Amao, une allégresse sans borne dilata sa poitrine et elle se précipita sur sa sœur comme sur une proie. Voilà, dit Helgvor, Amao et Glava suivront Helgvor. Et quand Helgvor aura retrouvé Aigun, elles se tiendront au bord du fleuve, prêtes à fuir dans la pirogue. Glava conçut la défaite de Helgvor et ne désira plus le combat, mais elle savait qu'il était aussi inévitable que les ténèbres après le crépuscule.